J'ai tué au nom du bien, et cette violence a entraîné ma vie vers les ténèbres. Je pensais avoir libéré mon âme. Maintenant, je cherche des êtres semblables à moi. Les hommes sont la cause du mal sur Terre. Ce sont les choix qu'ils font qui asservissent leurs âmes à l'enfer. Ceci constituera l'ultime épreuve.